Time has come to make a decision. Are we in this thing alone, or are we in it together? Yeah.

de l'Atlantide. Comment s'appelle le groupe qui interprète Music and Lights? Miami. Qui chante Voyage Voyage? Imagination. Et voilà. Et quel est le nom de votre dernier album? Desireless. Voilà. Pas mal, hein? Bravo. Pas mal, voilà, pas mal. Donc votre nouvel album s'appelle Desireless. Et moi, je m'appelle à trois niveaux des fois, donc de pas répondre aux deux premières et de répondre ensuite. Ah, c'est l'enfer. Non, mais on imagine, parce que là, on a fait calmement, mais parce que s'il faut aller très très vite. Avec celui des thèmes et tout. Non, avec trois, tu dirais, c'est-à-dire quoi? Je me poserais trois. On pose deux. Ouais. Ensuite, la troisième, on répond à la première, etc. Et on a deux décalages. C'est l'enfer. Mais vous voyez que c'est compliqué à faire cette merde. Ça se bouffe vite à la radio, ça va très très vite. Non, c'est vrai, hein, des fois, on peut rester 10 minutes. Mais... parce qu'il faut trouver les idées et tout ça. C'est un travail. C'est comme faire un album. Hein. Ouais, c'est aussi compliqué par moment. C'est plus difficile que faire un album, puisque faire un album, ça prend du temps, mais c'est pas compliqué. Parce que là, pour essayer un peu, tu vois, de trouver les trucs, rester cohérent et tout. Parce que des fois, il y a des bonnes chutes, mais au bout de 5, tu n'y arrives plus. Voilà. C'est pour dire que moi aussi, j'ai un travail qui est pas simple avec mon équipe. Bah, merci beaucoup. Hein. Mais en tout cas, ça m'a en fait plus, plaisir. Ça nous a rendu un peu intelligent, quoi. Ça a fait croire qu'on est intelligent. Super. En plus, vous repartez avec des CD. Et moi, on dit toute la... ça fait 8 ans qu'on me dit que je suis un petit con. Donc voilà, savoir qu'un petit con a pu rendre des gens un peu plus intelligents, ça fait... c'est génial. Rendre intelligent, c'est faire croire. Faire croire, oui, parce que oui. Que moi ou vous? Que nous, on était intelligents. Non, vous ne l'êtes pas, vous êtes comme moi. Totalement. Voilà, de toute façon, on est une bande de trois petits cons. Voilà. Hein? Tu es un petit con, je suis un petit con, tu es un petit con, nous sommes des vrais cons. Mais dis donc, on peut le crier à trois, on est des cons. 1, 2, 3, on est des cons. Voilà, comme ça, moi c'est clair, Max est un con et les daft également. Bon, on va passer à un extrait avant de se quitter. Là, par contre, là c'est... Oh, je croyais que t'allais t'endormir. Non, c'est le morceau d'un copain à moi avec qui je fais de la musique, qui est pas Thomas, mais qui s'appelle Dilat, qui a fait... Ça m'a été très surpris. T'as déjà sorti ce morceau. Tu fais de la musique avec d'autres gens? Ouais. Il profite de la radio pour me l'annoncer en direct. Ah, c'est un coup dur là, attention, une exclue. Battez-vous. Je m'en vais moi. Battez-vous, sortez les lasers, allez se barre, voilà. Allez. Sur le label que je fais en dehors de Daft Punk qui s'appelle Cri d'amour, Thomas il a le sien qui s'appelle Roulet. Et sur le label Cri d'amour, on a sorti ce morceau qui s'appelle Wet Indies de Dilat, qui est un vieil ami à moi. C'est un label que je fais avec Eric Chédeville, donc on le fait à deux. Et donc là, on va bosser cette année sur un album avec Dilat. Et donc ça sera sans doute un des premiers extraits de l'album qu'on n'a pas commencé encore, mais qu'on est en train de... Voilà. Si t'as besoin, chantier, quoi. Avec plaisir de revenir avec des artistes ici même, tu seras bienvenu. Mais toi aussi, Thomas. Merci. Tu viens quand tu veux, si t'as... Merci beaucoup. Si même si Merci Thomas, vous sortez vous. Une ligne de vêtements, vous voulez vous lancer, je sais pas moi, dans les coupes de fruits, dans n'importe quoi, vous voulez, dans les cocktails, si vous avez besoin d'un coup de main médiatique, je serai là pour vous aider. C'est gentil, merci. On installera ici, vous pourrez avec des mixeurs, vous ferez des cocktails de fruits, on fera venir les auditeurs et tout, il n'y a pas de problème. Un petit mot de conclusion, Guimane, si t'as un message à passer à tous ces petits jeunes qui nous écoutent. Bah, les petits jeunes, ouais, je dis bonjour à... Oui, bah, ils sont petits, je dis bonjour à Romain, Baptiste et Mathieu. D'accord. Les petits enfants. D'accord. Il est grand-père, hein, Guimane est grand-père. Déjà. On peut l'annoncer ce soir. Ça va tellement vite. Le temps passe vite, Guimane, non? Ouais. Keller sexe, 8h beat, des chattes que le temps passe vite. Pas mal. Je crois que c'est le mot de la fin, on peut s'arrêter là. Moi, c'est chaud pour toi, c'est difficile de suivre. Tu peux la redire si j'ai pas capté. Non, ça dit que... Si, c'est ça, t'as dit. Ah, t'as dit qu'une fois. Non, vas-y. Quelle heure sexe, 8h beat, des chattes que le temps passe beat. Pas mal, voilà, ça sera la conclusion des Daft Punk. Voilà, il y a peut-être une phrase codée là-dedans, à vous de chercher. L'album sort lundi, il est là, il est... Non, mais vous l'avez, en plus, ils l'ont récupéré, tout à l'heure je l'ai donné, mais Thomas allait repartir avec... Bah, hein. Tu me l'as donné, tu me l'as offert. Bah, tu verras, je vais le récupérer, je vais le réécouter pour voir si je suis satisfait de mon travail quand même. Voilà, je l'ai dans les mains, on n'en a pas offert ce soir parce qu'il faudra aller le récupérer lundi si vous êtes amoureux de la musique, hein, ça sera beaucoup plus intelligent. Et puis, t'as surpris de ce que je viens de dire? C'est plus intelligent, c'est plus sympa d'aller faire le geste, d'aller dans un magasin, d'aller acheter le disque pour aller l'écouter que de dire allez vous appelez là les 10 premiers, on vous l'offre. C'est toujours pareil, donner. Ta maison disque est derrière, ils font la gueule. T'es marrant toi. Tu crois que ça ferait rire tout le monde? On pourra en offrir. Moi je dis qu'on pourra en offrir. Hein. On pourra en offrir des albums. Pour offrir, ouais, carrément. Vous en avez plein. C'est vas-y, bon. Rentre, on va s'enfermer. On profite qu'il y a juste le mec de la maison de disque qui est pas là. Il y a tous les potes des DAF qui sont là. On s'enferme. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Je sais pas. Comment on en offre? On en offre, je sais pas. 600 2000, je sais pas, 10 000. Non, on en offre. Non, mais je plaisante, hein, mais. T'imagines le mec. Non, moi je plaisante pas, on en offre. Non, mais je sais bien, mais 10 000, 100 000. Il y a 14 morceaux, on en offre 14 déjà. C'est petit. Plus. Moi je dis plus. Plus, c'est vrai. Pas plus. Ah, il y a le producteur, la F et moi. Je sais pas. Allez, pour les 14 plus rapides, t'as raison. Les 14 plus rapides. Allez. C'est marrant, ça fait un morceau par personne. Ça fait un morceau par personne. Non, il y aura les 14 morceaux sur les disques quand même. Il y aura les 14, mais alors pour les 14 plus rapides maintenant, 0803-08-5000, on vous offre l'album des Daft, donc qui sera là lundi. Merci Guiman encore d'être venu. Merci Thomas. Merci. Vous avez été bon esprit. Vous repartez avec les fruits derrière. Avec les fruits. Obligatoire. Hein. Ouais. Non mais on plaisante pas là, attention, je rigole pas, ça m'a coûté 300 balles cette connerie là. Y'a que moi qui ai bouffé, j'ai bouffé 3 bananes, ils ont même pas touché une pomme. Merci encore. Merci. On se met le merceau de Guiman et nous on se retrouve juste après pour la fin de cette radio libre, toujours au 0803-08-5000. You know sometimes people they come to me, they beg me. Please be that phone stay. Shake that booty, huh? C'est comme ça que ça se passe ce soir, c'est vendredi, c'est relativement différent de ce qu'on a pu entendre en temps normal, puisque d'habitude on fait les cons, on tchatche, on dit des conneries, mais quel plaisir. Merci encore à Thomas et à Guimane qui sont peut-être dans l'ascenseur en train de nous écouter et qui partent en direction maintenant de l'au-delà, dans des super sous-sols pour les récupérer des voitures hyper spatiales qui vont à plus de 50 000 km/h. Ils vont aller en direction de soirées qui n'existent pas et voilà, ils vont aller dans les boules à facettes, ils vont aller s'amuser avec des gens qui ont 4 cerveaux, 8 têtes, m'ont-ils dit, 6 jambes, 4 ongles de pied. Non, et pareil, c'est des gens étranges et pénétrants. En tout cas, on les remercie encore d'être venus ce soir. Ça nous fait bien plaisir. Puisque vous venez d'entendre encore, là, juste avant, hein, ça va sortir que dans 3-4 mois. Et c'est Guiman qui nous l'a offert. Et en plus, il m'a laissé le CD. Eh ben, tu t'es pas hein. Bravo. Enfin, en même temps, je vais dire. Tu l'as volé. Voilà, okay. Exactement. Voilà. Par contre, je vais lui redonner un autre boîtier de CD et dedans, il n'y a rien dedans. Et voilà. Un escroc.